Selecta DJ Jumps. C'est bombé, tu sens mes doigts s'agripper. Quand soudain tout s'enflamme, je te soulève, tu me sens, ça fait mal. Mais c'est tellement bon, bon, bon, que doucement je rentre et ça fait bam, bam, bam, bam, bam, bam. Tout va bien, tout rouler. Je te sens gémir, je te sens t'essouffler. Je sens claquer ton boulet sur mon corps dans ce mini caoulé. Ah, mini caoulé, ralentissé. Ah, doucement. Aïe, ah, bébé, on dilé. Allez, doux. Souke-moi doudou, mais qu'est-ce qui fait ça toutou? Nous fait l'amour en dansant, frissons, mes lèvres glissons dans ton cou. Répondre jaloux, pas le temps, caresse-moi, c'est tout. Tu me sers, je ressens tes sentiments doucement, chaleur, c'est bon. Souke-moi doudou, mais qu'est-ce qui fait ça toutou? Nous fait l'amour en dansant, frissons, mes lèvres glissons dans ton cou. Répondre aux jaloux, pas le temps, caresse-moi, c'est tout. Tu me sers, je ressens tes sentiments doucement. Chaleur, c'est bon. Allez, zouke-moi, c'est lentiment. Allez, bloquer tes orphelins. Allez, zouke-moi, c'est lentiment. Allez, bloquer tes orphelins. Allez, zouke-moi, c'est lentiment. Allez, bloquer tes orphelins. Allez, zouke-moi, c'est lentiment. Allez, bloquer tes orphelins. Zouke-moi. Répondre aux jaloux, pas le temps, caresse-moi, c'est tout. Tu me sers, je ressens tes sentiments doucement, chaleur, c'est bon. Avec DJ